espère. Plus en sûreté, plus pieds sur terre. Bien plus que de l'espèce, on espère. Esprit désespéré en manque de repères. Est-ce de l'air que tu respires? La galaxie se marre, elle sait quand se passera le pire. Le soir, quand elle se découvre, je les fixe. Tout tourne autour de nous, elle seule semble fixe. Je fige mon contexte, espérant mieux comprendre. En vain, je suis à 20 milieux, celles qui m'entendent. Pour un dernier jugement, j'ai témoin. As, l'extraterrestre. Maintenant, je sais d'où je viens. On regarde en face celles qui ont tout vu. En hyperespace cérébral et d'attention dépourvue. Immersion totale, mon crâne scintille. J'ai la tête dans les étoiles lorsqu'il s'indigne. 3-6-9, y'a pas de rap, façon Kleenex. C'est dans le son qu'on s'incline. La tête dans les étoiles, on s'égare. Le chronomètre s'arrête, juste le temps d'un regard. Les esprits, elles nettoient et toi, baisse ta garde. Gaza se creva au-dessus des toits. Ce soir, un rencard. La tête dans les étoiles, on s'égare. Le chronomètre s'arrête, juste le temps d'un regard. Les esprits, elles nettoient et toi, baisse ta garde. Gaza se creva au-dessus des toits. Ce soir, un rencard. La tête dans les étoiles, mets les deux pieds sur terre. Entre les étoiles filantes ou entre deux comètes, je retrouve ceux qui ont filé trop tôt de notre planète. De là où j'ai observé, tout nous placé. Ceux qui sont toujours oppressés, ils disent le bordel c'est chez vous. De belles promesses ils inondent et osent dire c'est chez vous. Sans donner une seule serviette, ils nous laissent à peine les miettes. Aster, c'est mon avenir, c'est flou, je le conçois. Mais toujours si proche des miens, on avance ou déconçoit. Touche tes poches remplies de bailles ou malheureusement sur la paille. La tête dans étoiles, j'ai le droit à un flashback. Sur mon parcours scolaire, à 18 ans, là j'ai le bac. Mais c'est seulement un an après que je rejoins la fac. J'ai dit au revoir à ces bancs, bancal, résultat. J'emmerde tous ces gens qui a tout dit fuck. Trop de souvenirs à l'école, on kiffait tout, ça déconne. Mais quand il fallait travailler pendant nos heures d'école, on avait l'impression que c'était la lune qu'on devait décrocher. La tête dans les étoiles, on s'égare. Le chronomètre s'arrête, juste le temps d'un regard. Les esprits, elles nettoient et toi, baisse ta garde. Gaza se creva au-dessus des toits. Ce soir, un rencard. La tête dans les étoiles, on s'égare. Le chronomètre s'arrête, juste le temps d'un regard. Les esprits, elles nettoient et toi, baisse ta garde. Gaza se creva au-dessus des toits. Ce soir, un rencard. Tu pressens l'instant présent, t'as la tête près de ses âges. Je peux comprendre que tu saches pas ce que tu ressens. Mais je vais pas te mentir et te garantir que tu vas vivre un vrai désastre. Car quand tu ouvres les yeux, ne sens plus ces corps incandescents. Tu te trouves plus dans les cieux, c'est sur terre, tu redescends. Tu te sens comme obligé de quitter un bal. Si peut te faire mal, expliquerait certains de tes actes. Là où on peut dire que c'est le pays des merveilles, le pays des rires à la couleur rouge vermeille. Mais ce monde n'est pas réalité, ce ne sont que les songes d'un homme en train de rêver. Ici-bas, contrairement à ce que tu crois, frérot, t'as aucune immunité. Ce nirvana te détruit de l'intérieur, fait croire au paradrame, pure illusion qui animera. Rancœur que cueille avec orgueil celle qui domine le ciel une fois que le règne s'achève. Et fait place aux étoiles. La tête dans les étoiles, on s'égare. Le chronomètre s'arrête, juste le temps d'un regard. Les esprits, elles nettoient et toi, baisse ta garde. Gaza se creva au-dessus des toits. Ce soir, un rencard. La tête dans les étoiles, on s'égare. Le chronomètre s'arrête, juste le temps d'un regard. Les esprits, elles nettoient et toi, baisse ta garde. Gaza se creva au-dessus des toits. Ce soir, un rencard.